Leçon 15. 1. Présent ou passé composé. Écoutez et cochez ce que vous entendez. 1. J'ai mangé au restaurant avec des amis. 2. J'ai travaillé toute la journée. 3. Il habite à Shanghai. 4. J'aime tous les films d'Ozu. 5. Tu as acheté une nouvelle voiture ?